Ouais. Voilà, c'est exactement ça. Bravo. on fait nos derniers réglages. Vous êtes bien à l'écoute du studio de Radio Campus. La MDE, voilà, c'est scientifique pour une heure de Pyongyang City Rockers numéro 424. Il est déjà 20h01. Et ce soir, non seulement il y a vos grands leaders et l'Idriss respectives, Célia aux manettes. Salut. Jamo, qui est arrivé avec encore un petit Slifford Mode. Slifford Mode. Et puis, l'équipe de Freaky Family ce soir avec Bambin. Salut. Ça va, enchanté. Oui, ça va, et toi? Ouais, jusqu'ici tout va bien. Je suis sur la chaise. J'ai ramené de la bière. moi aussi, mais c'est une petite chaise. Tu m'as l'impression que tu es sur une plus grande chaise que moi. Émilie aussi est sur une plus grande chaise. Bonsoir. Comment allez-vous? Peut-être pas. Enfin, il faut monter un peu son micro. Attends, parce que du coup, vous parliez trop fort et j'ai pas. Je vous jure, j'ai rien fait. Ouais, c'est bien. On fait la balance en même temps, c'est ça, c'est la radio pirate, t'as vu. Et troisième larron ce soir, merde, je suis moufio. T'as dit ton nom tout à l'heure? Nino, bonjour, bonsoir, comment t'es? Bonsoir, bon. Ça va toi? Bah, jusqu'ici tout va bien, j'ai dit ça à tout le monde, et pour l'instant, à chaque fois, c'est vrai. Donc, c'est ce qu'il faut dire. Ouais, c'est ce qu'il faut dire, ouais. Donc on va parler des festivités que vous avez préparées pour le 15e anniversaire de votre salon de tatouage et perçage, je dis ça en français. On peut le faire en français. Qui vont avoir lieu, ces festivités vont avoir lieu samedi et dimanche prochain, dont un concert, on en dira après plus. Pour l'instant, un truc de pisseux, les Allemands, qui n'a strictement rien à voir avec l'actualité. Le titre, c'est Stein. C'est déjà fini. Oui, vous êtes à l'écoute de Pyongyang City Rockers. C'est le 424e numéro. D'ici quelques minutes, nous allons rattaquer nos invités qui piaffent d'impatience derrière leur micro. Mais pour l'instant, tu as un truc à nous présenter. Ouais, j'ai une petite nouveauté. C'est. Je parle pas assez fort. Attends. Ouais. C'est bon là, non? je ramène le nouvel album d'un groupe strasbourgeois de Power Violence, LMDA. Il s'appelle Bebop Grinders et il est sorti chez Lunar Cult Record. Parmi les gens qui ont participé à cette sortie d'album, on peut retrouver des gens de chez nous. Il y a Mathieu de Goumeau, du coin quoi. Ouais, c'est des gens il y a Mathieu de Goumeau qui a enregistré les batteries et il y a aussi Tom Mordarel qui a fait la pochette de l'album. Mais en fait, c'est pas strasbourgeois, c'est Nord-Pas-de-Calais tourné. C'est ça, ouais. Bon, en même temps, ils sont strasbourgeois, mais il y en a un qui habite à Bruxelles. C'est ça. et on écoute tout de suite Little Pieces of I Told You So et Kill the Rich de LMDA. non, ouais, franchement, bien. NBA, hein, c'est valeur sûre. Hein. Toujours valeur sûre. Voilà. Et même sans influence Lillo, nord-pas-de-calaisienne, bruxello, tournaisienne. Voilà. Eh bien, donc, on est venu ici un peu pour parler de vos aventures. Ça fait 15 ans que ça existe, votre salon de trucs, là. Exactement. Ouais. De destruction des corps des gens. On les pimpe. Mais ouais. Ouais, il y en a qui disent ça. Donc, présentez-vous. Allez, les trois là. Qui commence? Il y a le monsieur barbu là-bas. Il trépigne. Ouais. Vraiment. Allez, je vais commencer. Je suis le plus jeune, du coup, dans l'équipe. En termes d'arrivée, hein, je veux dire. Pas en termes d'âge. En termes d'âge aussi, vous me direz. C'est pas faux. Mais du coup, donc, moi, je suis là à la Friki depuis août dernier. Mmh. Mais ça fait une bonne dizaine d'années qu'on traîne un peu nos guêtres ensemble. Donc j'ai rejoint l'équipe un peu naturellement. Et je vais laisser aussi la parole à Émilie, du coup, qui elle est la doyenne de l'équipe. Ouais, attends, tu fais quoi dans... Ah, moi je suis le manager de l'équipe. Ah, d'accord. Je suis le manager, donc je suis là pour essayer de faire en sorte que ça prenne pas feu. C'est grâce à lui que je suis sur la chaise ce soir. Et jusqu'ici, ça se passe plutôt pas mal. D'accord. La suivante Du coup, moi, c'est Émilie. Donc, ça fait 11 ans, bientôt 11 ans, du coup, que je bosse à la Friki Family. 11 ans. Voilà, et je fais des piercings depuis... Enfin, ça va faire bientôt 13 ans que je fais des piercings et 11 ans que je suis à la Friki. Ok. Voilà. Tu fais que du piercing, pas de tatou. Que du piercing, ouais. Ok, d'accord. C'est déjà pas mal, il y a déjà du taf. Donc tu es contente d'être là? Ah bah, ouais, quand même. Hein. C'est un peu con, sinon. Bon, faut le dire. Hein. Et le troisième larron qui rigole déjà. Bah, salut, c'est Mama. C'est cool que t'en parles, je démissionne ce soir. Non, j'en avais marre. Moi, ça fait... on ne sait pas, en fait. Je crois que ça fait 9 ans que je suis à la Friki, mais un peu moins. J'ai fait des... Bon, voilà. Ça fait 12 ans que je tatoue, un peu plus. Et non, je suis content d'y être. Et je fais des dessins sur les jambes, deux autres trucs. D'accord. Tu fais des dessins à toi ou des dessins que les gens te... À moi, monsieur. À toi. Ouais. Artiste. Si je viens avec mon crowbar, tu vas dire non, c'est quoi ta merde. On va le retravailler ensemble. Et si ça ne s'adapte pas pour moi, je t'enverrai voir quelqu'un d'autre. D'accord. Gentiment. Oui, hein. Oui bien. Avec des références. Je sais que tu es quelqu'un de fort gentil. Bien entendu. on n'a même pas dit où ça perche la Friki. C'est dans le centre de Lille. Yes. C'est quoi le nom de la rue déjà? On est au 16 rue Gombert, à Lille. Ouais. À côté de République Beaux-Arts. Ouais. Ouais, d'accord. Ouais, c'est près du Distro, en fait. Voilà. C'est un peu trop proche du Distro. Un peu trop proche du Distro. On en vient d'ailleurs. Exactement. Le Distro, faut soutenir la scène locale. Ouais, bah oui. Et donc, ouais, en fait, on se connaît déjà parce que. Enfin, sauf. Nino. Sauf Nino. À la fin de l'heure, je me souviendrai de ton prénom. Pour la prochaine émission. Ouais, et pour la prochaine. Mais on se connaît déjà parce qu'en fait, vous faites aussi partie de la grande famille du punk, du hardcore, du bruit, des power violence et tout le bordel. Lillois et ailleurs. D'ailleurs, il y en a au moins un là, qui est déjà venu dans les studios de campus, l'ancien studio. Pour ça qu'on est parti, parce qu'en fait, on pouvait plus rester après ton passage. Je m'en rappelle pas. Ça, c'est que toi qui... et donc, ouais, donc le salon existe depuis 15 ans, là, 15 ans en pile, ou c'était... Officiellement, les 15 ans, c'est fin mars, mais pour des soucis de praticité, on les fête début mars. On entend le manager, là. Exactement. Oui, vous êtes combien dans le salon, là, en tout En tout, on est 12. Il y a 9 personnes qui tatouent, y a moi au piercing, et du coup Nino qui est le manager, et un... Et Jules l'apprenti. Ouais, Jules l'apprenti tatou. Ok. Alias Petit Bonhomme. Il nous écoute là? J'espère. Peut-être. On le saura demain. En tout cas, il écoutera le podcast. Ouais, on lui filera le podcast. Et donc, c'est un truc important là. Vous avez déjà fait quelque chose pour les 10 ans, je sais plus. Non, on a fait que des petites soirées au shop peut-être un peu. Ouais. Surtout entre nous dans les bars, on va pas se mentir. Bon, réellement, en gros événement, ça date d'il y a... quand on a déménagé, donc il y a bien 9 ans. Il y a 9 ans. C'était il y a 9 ans, du coup, on avait fait l'inauguration du nouveau shop. Et l'année d'après, on avait fait le premier anniversaire et puis on n'avait rien fait d'autre. Et donc là, par contre, vous mettez les petits plats dans les grands, vous avez trouvé un beau local. Tout à fait, ouais. Garage, il paraît qu'il ne faut pas dire le garage, mais garage tout court. Ouais. Ouh, garage. Ouais. Alors là, franchement. Pas au garage, pas le garage. À garage. Oui. À garage, les Lillois. Là aussi. Un deuxième truc auquel je dois m'habituer, c'est compliqué. C'est contre-intuitif, en fait. Ouais. Et donc, vous avez trouvé de quoi faire à garage, deux jours de plein de choses. De festivités, ouais. Ouais. Donc, il y a une convention tatou, c'est normal. Et piercing. Il y a du tatou et du piercing, ouais. Ouais. Il y aura du monde pour cette convention là sur deux jours, donc c'est samedi et dimanche prochain. Ouais. Il y aura du monde En visiteur. Non, on espère. Des tatoueurs. On a une trentaine de personnes. Ouais, tatoueurs, tatoueuses, une trentaine. Ouais. Il y a 6 stands d'exposants, donc en photo, fringues. Il y a l'ardente qui vient sérigraphier aussi. Oh ouais, c'est curieux. Ouais, bizarre. Bon, connais pas. Une perceuse. Une perceuse. Sloane. Ouais. Oui, Will qui vient poser des grises. Ouais. Pierre Martial qui vient faire de la photo. Une exposition d'art. Et 2 conférences, du coup, une le samedi à 14h et une le dimanche à 14h aussi. Ok. Et le samedi soir, un concert de rock'n'roll. Exactement. Avec des groupes, franchement, première venue à Lille. Ouais. Ah ouais. Donc, en 2026, peut-être. Ouais. Pas False. Ah. Non, pas False. Jody, mais Jodie Foster, première venue 2026. Ils n'ont pas fait de concert en 26 à Lille. Non. On a l'exclusivité. Ouais. C'est dingue. C'est dingue. Et troisième groupe de la soirée, ce sera Cérès, qui sont aussi sludge que les deux premiers sont punk. Fast. voilà. Et ça finira par un DJ set avec Sloane. Avec DJ Sloane, ouais, qui viendra mixer de la basse musique du coup. Je l'ai entendu dire dans une radio concurrente et néanmoins amie, c'est normal, j'y fais aussi une émission, qu'il ferait non seulement de la basse musique mais aussi du métal. C'est ce qu'il nous a promis. Ouais, et j'attends franchement d'avoir ce truc-là. Je pense que ça pourrait être un truc d'anthologie. Quoi. Alors, pour avoir eu la chance d'écouter des mix qu'il a déjà fait dans ce style-là, ça fonctionne très bien. Ouais, cool. Bon, et ben donc, on sait ce qu'il nous reste à faire. Être présent pour ne serait-ce que pour ces mix-là, samedi soir, à Garage. 34 boulevard Carnot. Exactement. À 20h. Ouh. Entrée gratuite. Yeah. Ouais, mais par contre, la convention, elle commence le matin. À midi. Ouais, ah, c'est midi, pas 10h. Samedi. Tranquille. J'ai écrit des conneries sur Spunk. Alors. Ouais, t'as écrit 10h sur Spunk, je l'ai vu. On est des artistes. C'est pas grave, si y a une file d'attente, ça fera une belle vidéo pour les réseaux. D'accord. Et ben, puisqu'on a déjà beaucoup parlé et qu'il est déjà 20h et 16 minutes à l'antenne de. 15 ou 16, je ne sais pas. À l'antenne de campus, on va pouvoir écouter un premier truc. Totalement au hasard. Je sais pas, comme vous voulez. Appuie sur le bouton. Bah non, mais. Bouge le bouton de Johnny. Bon, on va commencer dans l'ordre d'apparition. Le running order, c'est quoi? C'est ça va être False en premier. False en premier, ouais. False alors. Allez, False d'abord alors. J'ai pris 2 morceaux de leur nouveau split. Ça va faire 1 minute en tout. Non, 2 minutes. Il y a 2 morceaux. Wow. Il y en a un qui s'appelle Ground et l'autre qui s'appelle Brain Rot. Et c'est leur split avec Chronic Pist. Fuck! ça, t'as vu, ça continue. Bon, bref. On se donne des conseils mutuellement techniques. Voilà, vous écoutez Campus, c'est Pyongyang City Rockers 424, avec ce soir une partie de l'équipe de Freaky Family. Ouais, ça s'annonce bien et tumultueux cette... tumultueux, peut-être pour cette, nous. Mais... cette convention. Il va y avoir plein de trucs. Alors, ouais, ce qui me titille, c'est les conférences. Moi, tu sais, j'essaie de faire un théolo, j'y arrive pas, mais je fais semblant. Et donc, les conférences, ça m'intéresse toujours. Il y aura quoi comme conférence, vas-y? Alors, la première conférence, le samedi à 14h, ce sera Sibarit, qui va présenter une conférence sur les mythes et légendes autour du tatouage. Ah ouais. Donc, dans le monde. Donc il reprend plusieurs mythes et légendes d'Océanie, du Japon, de Thaïlande, il y en a quelques-unes aussi d'Amérique du Sud, des choses comme ça. Mmh. Donc c'est une conférence qu'il avait déjà présentée à Barjol l'année dernière, pardon. Uh-huh. Et c'est quoi Barjol ? Alors Barjol, c'est la convention tatou de Barjol, c'est une convention de tatou un petit peu particulière qui se passe dans un cadre un peu isolé. C'est très nature, mmh. Et c'est énormément d'artistes qui travaillent autour du tatouage ethnique, notamment. Okay. Donc ils se retrouvent là-bas pendant une semaine, 10 jours, et ils travaillent vraiment autour du tatouage traditionnel, au sens ethnique du terme. Ouais, okay. Donc pas le traditionnel américain, etc., vraiment tout ce qui est bornéo, néo-zélandais, thaï, etc. D'accord, et donc ouais, dans cette... environnement-là, cette conférence avait sa place. Là, c'est aussi un pari. Je pense qu'il y aura quand même du monde qui sera intéressé par cette conf. Voilà. Mais je pense, ouais. Il faut que je rajoute sur la liste des trucs à faire. Et la deuxième conf, c'est quoi ? Alors, la deuxième conférence, du coup, c'est... le thème général, c'est « Regard sur l'histoire populaire du tatouage de la fin du 19e au début du 21e siècle ». Uh-huh. Avec Valérie Roll, Jeanne Barnico et Marlou. Et on aura aussi du coup Clotilde Sourdeval qui sera là pour présenter Bizarre. Hein. Elle est dans tous les mauvais plans. Dans tous les plans. Ouais. T'as remarqué qu'il y avait beaucoup de noms que tu connaissais. Bah ouais, enfin bah, moi je connais pas très bien le, tu vois, j'ai demandé Barjol Seco. Je connais pas très bien l'univers tatou de la scène lilloise du mais moins. Mais par contre la scène lilloise, ouais, ça va. Si tu veux, on se retourne nos amis quand même, on ouais, va pas bah, se mentir. De toute façon, si on veut s'amuser, faut être avec les amis. Ouais. Donc bon, les groupes qui passent samedi soir, c'est aussi des amis, on a déjà entendu un premier. Il y a quoi d'autre ? Il y a des ateliers. Il y aura un atelier unique, donc de l'Ardente édition, ouais. Pour sérigraphier ses fringues directement sur place ou sérigraphier des t-shirts qui seront à vendre. Mais si tu viens avec tes fringues, c'est prix libre et on sérigraphie de l'affiche de Barreto. Ah, d'accord. De 17h30 à partir de 17h30 samedi. Et ça sera l'Ardente qui gérera ça. Et pendant 2 jours, il y aura aussi des ateliers de peinture sur céramique qui seront faits par Cécile Charrois, qui est une designeuse qui travaille souvent avec des tatoueurs et qui va venir avec pas mal de stock. Et là, vous pourrez vous inscrire et faire ça toute la journée. Et ça sera normalement placé au milieu de l'expo en plus, donc d'accord. Ça sera assez sympa. Faudra payer Pour Cécile Charrois, il y aura des chances qu'il ouais. faille payer. Ouais. Faille. Ouais, faille. Bien, bravo. J'ai presque failli. Un télo. Voilà. Voilà. Que veux-tu savoir ça ? Non, parce que ça me fait penser qu'on a oublié de dire que l'entrée pour la convention est gratuite. Oui, pour les conférences aussi, pour le concert aussi. Voilà. C'est beau. On régale. Il faut juste payer les artistes. Il faudra payer par contre les tatous, bien évidemment. Ouais, c'est dommage. Vous l'arrangez avec, c'est plus notre problème. Je me disais que j'allais venir avec mon truc, et tiens, tu me fais ça, puis tu sais, un truc, tout le monde autre. Si on a un qui te dit oui, vas-y. Hein. Sur un malentendu. Ouais, d'accord. On passe à un deuxième morceau de musique. Non, on va encore causer un petit peu, je sais pas, musique, ouais, si, Jodie Foster. J'ai envie. Ça va aller vite. C'est curieux. Alors, j'ai essayé de mettre des morceaux qu'on n'a jamais passés ici parce que... c'est peut-être un peu compliqué. Ouais, mais j'ai trouvé, et du coup, j'ai choisi deux morceaux du dernier album qui s'appelle Saint Lundi, What We Learn in Dream et Fever of a Nation. Why is On continue de causer dans le, pendant que la musique passe. C'était Jodie Foster qui seront ce samedi soir, ainsi que False et Ceres, et puis DJ Sloan à la fin de la soirée pour la Tattoo Convention de Freaky Family. Ouais, alors on n'aime pas trop le mot convention. Ah non, bah je sais pas, c'est cool. C'est une fête d'anniversaire. Un festival autour de l'encre. Un goûter qui dure deux jours. Moi, voilà, j'aime le concept. C'est un gros goûter. C'est une grosse plage d'eau, allez. Alors on a déjà parlé concert, conférence, rapidement atelier. Il y a d'autres trucs à préciser ou pas? Il y aura une exposition. Ouais, il y aura espace expo qui a été monté de toutes pièces par quelqu'un qui s'appelle Laurie Jolie Noon. Quelqu'un aussi peu connu à Lille. Ouais. On a pris au pas cher. Non, je connais. Belle expo, en fait. Tu veux pas dire ce que c'est? Si, en fait, elle a pris le parti de prendre que des gens qui étaient issus du milieu du tatou, soit encore tatou ou tatoueuse, ou des gens qui s'en sont sortis, mais qui ont gardé l'encre comme médium et qui travaillent maintenant l'impression d'encre sur dessin. Donc, du coup, il y aura des sérigraphies de Jean-Luc Navette, il y aura des originaux de Jubes, il y aura des lithographies du Lupin, il y aura les choses de Cécile Charroy, Marlou de Galles, enfin, il y aura une cinquantaine de pièces. C'est bien, c'est que des noms que je connais pas, donc je vais pouvoir découvrir. Voilà. Et ça, c'est vachement bien. Ça va être cool. Vous pensez vraiment que le dimanche, ça va le faire? Ça recommence à midi, à 10h? À 11h. À 11h. Ouais. Ok. Ouais. Mais donc, je veux dire, il faudra prévoir les allumettes ou... Après, en vrai, tu sais, il y a des gens, ils vont tatouer, ils vont être pros, et puis les gens vont venir se faire tatouer. Nous, après... T'as vu, on va pas tatouer. Il y a des gens de la boutique qui tatouent. La boutique sera représentée sur les deux jours. Mais nous, non, on va essayer. On est là pour l'organisation, pour faire en sorte que personne manque de rien. Et c'est déjà pas mal. Vous avez mis combien de temps à préparer tout ça? C'est plusieurs mois. Ouais, mais ça a été assez sur le rush, en fait. Nous, avant que Nino arrive avec Emily, on s'était dit, bon, ça va être chaud, on va peut-être le faire en 2027. En fait, non, mais vraiment, c'était un peu juste sur le timing. Et il est arrivé avec ses gros sabots, il a dit non, allez, on y va. Puis il nous a mis un petit coup de pied au cul. Et en fait, du coup, on a réussi. Mais ça a été un peu le rush parce qu'on l'a pas fait ça en très longtemps, en fait. On a fait ça en 4 mois maximum, ouais. Entre le moment où on a émis l'idée de le faire et de comment le faire. Ouais. Le temps que tout se mette en place, de trouver le lieu, etc., ça avait déjà bouffé un peu de temps. Donc finalement, l'orga pur de l'événement, comme il va être livré là ce week-end, ça tient vraiment sur 2 mois et demi, 3 mois. Ouais. Et sur plein de coups de pression, coups condensé. De chance et de gros gros coups de main de, oui, et puis de tous a, ceux on, qui on nous entourent. Aidé, ouais. Faut arriver tôt parce qu'il y a une jauge, je suppose, ouais, à garage. Il y a une jauge. Alors nous, on l'a pas regardée, comme ça c'est plus facile. Exactement. Voilà. En fait, je suis jamais allé dans ce lieu-là. C'est assez grand, mais c'est assez atypique. Du coup, c'est pas un grand hall, quoi. Tu te balades dans des allées et c'est ça qui est chouette. Mais non, j'en ai aucune idée de la jauge. C'est un ancien garage. C'est un ancien garage, c'était, d'ailleurs. C'était le garage Peugeot il y a longtemps. Ouais, ouais. Exactement. Ouais. Mais d'ailleurs, le lieu est vraiment bien foutu pour ça. Carrément. Et pour accéder à la conférence, on passe encore par l'espèce de descente qu'ils utilisaient pour les bagnoles pour aller en sous-sol. Ah ouais, d'accord. Cette partie-là, ils l'ont gardée, c'est très cool. Celle-là, je l'ai prise en J9. En 1989. Je vous jure que c'est vrai. Un J9 qui avait plus de frein en plus. Oh, merde. Donc pour le descendre avec ça, c'était bien. Tout frein moteur. Toujours frein moteur, Stéphane. Toujours frein moteur, ouais. Il faut jamais utiliser les freins. Parce que des fois, ils lâchent. Donc là aussi, il n'y aura pas de frein pendant deux jours, ce samedi et ce dimanche. C'est pas le plan. Complètement. Au garage. Musique ou pas musique, je ne sais pas. Il est 20h30. Je ne sais pas quelle heure il est. Là. C'est vrai que quand on est ici, on ne sait pas quelle heure il est. Allez, là, c'est marqué 31. Là, c'est marqué 29. Ah oui, effectivement. Ouais. Moi, j'ai 30. 31, sur mon bigophone, j'ai marqué 30. Good non, il est 30. Hein, on peut peut-être passer un peu de musique. C'est vraiment le brin à Radio Campus. C'est heureusement, il y a Jamo qui est là. C'est un peu l'air de Jamo. Sinon, on fait un Shifumi. Hein. C'est mon heure, ouais. C'est l'heure de souhaiter un bon appétit à tous ces gens qui nous écoutent. Ah, bien. Voilà, d'ailleurs, j'ai ramené des chips, d'ailleurs. Je ne tiens à le mais préciser. Pas au poids. Ils sont pas au poids. Les chips, je vais vous passer Angle Mort et Clignotant. Issu de l'album Addis, des frites putain et de la sauce bordel. Langue de bœuf, sauce madère. Rable de lapin, foie de volaille, au vinaigre, rognon de veau, en douillette de jargeau, tablier de sapeur, et tout ce qui va avec, des frites, boudin noir, boudin blanc, fabriqué avec du sang, et puis des frites, œuf mimosa, mousse au chocolat, Serve-la. We'll be right back. Voilà, discussion bas son plein. Vous écoutez Pyongyang Styro Curse numéro 424 sur campus, c'est 106,6 la fréquence. Puis sinon, vous pouvez écouter aussi sur All DAB, tout le machin, et puis campuslille.com si vous préférez. En plus, on est obligé de le dire normalement une fois tous les quarts d'heure, ce truc-là que je viens de dire. Ouais. Je te jure, c'est la légalité, c'est ça. Là. C'est bon. Ça et semble raté. Et donc ce soir, nous sommes avec trois Olibrius de la Freaky Family. Et puis on cause de ce qui va se passer ce samedi, ce dimanche à Garage 34 boulevard Carnot à Lille. On a déjà bien fait le tour de la question. J'avais envie de revenir un petit peu sur la boutique, vos expériences diverses et variées. Alors peut-être pas toi qui es là depuis le mois d'août dernier, mais par contre, est-ce que. Enfin, si, quand même, tu connais le milieu du tatou depuis des années. Est-ce qu'il y a une évolution, je sais pas, dans ce que les gens ils aiment bien, dans ce que les gens ils viennent demander, ou ce qu'il faut, ou aussi ce que les gens ils veulent faire disparaître de leur peau depuis 15 ans. Bah, y a toujours des classiques, ça c'est sûr. On y revient toujours, les prénoms, les portraits, etc. Ça tourne encore pas mal, même si nous on est pas mal épargné par les portraits, parce qu'on propose pas de réalisme noir et gris ou de réalisme couleur. C'est un style qui se fait pas trop à la boutique. Mmh. Mais ouais, il y a des gros classiques. Et puis oui, les goûts évoluent. Les nouvelles générations arrivent souvent aussi avec une esthétique un petit peu plus affirmée depuis quelques années. Ouais. Donc il y a vraiment l'émergence des mouvements. Par exemple, le mouvement Y2K qui va vachement s'accrocher à des... Qu'est-ce que c'est ? Ah bah non, bah moi je pose la question, hein, c'est bon. Alors les Y2K, c'est simplement une contraction pour dire génération 2000. L'an 2000, ouais. Ouais, l'an 2000. Et en fait, il y a une résurgence de l'imagerie du début des années 2000 en ce moment. Donc notamment à travers un néo-tribal qui a évolué. Ouais. Donc vraiment comme le tribal qu'on pouvait voir à l'ancienne, mais qui a été retravaillé, qui est un petit peu plus fin. Ils vont aller chercher un côté un petit peu plus abîmé aussi pour donner de la texture. Mm-hmm. Donc ça, on le voit pas mal en ce moment. Sinon, dans les nouveautés, en vrai, c'est assez stable hein, depuis quelques années. Ouais, c'est il y a pas mal de minimalistes aussi en ce moment, beaucoup de minimalisme, de micro-réalisme. C'est vrai. Donc le micro-réalisme, c'est pas un style en soi, c'est plus une technique qu'autre chose, ça appartient à la grande famille du réalisme en vrai. Et c'est simplement tout ce qu'on voyait avant, les portraits de... soit de personnes connues, de personnages Johnny, de films, Johnny. Ou de... Par exemple, ouais. Alors Johnny un petit peu moins dernièrement. C'est curieux. Mais ouais, beaucoup de personnages de films, de choses comme ça, et simplement le micro-réalisme, ça va être le principe de les faire en plus petit, comme son nom l'indique. Ok. Voilà. Puis comme ça, on peut le mettre... Des trucs qui se cachent un peu plus facilement aussi. On peut le mettre sur, dans un coin d'un doigt, ou je sais pas. Et malheureusement, on va éviter oui. quand même. Malheureusement, il y en a qui le font, même si ça vieillit extrêmement mal, et même si on l'explique aux gens. Malheureusement, aujourd'hui, ils réussissent toujours par finir par trouver quelqu'un qui accepte de le refaire, sans spécialement prendre en compte le fait que dans 5 ans, c'est une tâche. Ouais, et donc, par contre, vous avez une éthique qui vous interdit. On fait déconseiller ce genre de choses. Il y a des motifs qu'on se donne le droit de refuser. Ouais. Je vois à peu près lesquels. au-delà de ceux qui sont, qu'on refuse naturellement, que ce soit par question d'éthique ou au regard de la loi, il y a aussi le fait de refuser des tatous où on sait que c'est une mauvaise idée de base, que ça va mal vieillir, que le tatouage, dans 5 ans, il est flingué. Et déjà par déontologie et par éthique envers le client, mais aussi pour la réputation des artistes. Pourtant, si tu acceptes de le faire, dans 5 ans, la personne va revenir et puis il faudra faire un cover, ça sera bien. Ouais, mais niveau éthique, c'est vraiment pas ouf. Par contre, on le fait beaucoup sur ceux des autres. D'accord, tu vois, finalement. Et alors, qu'est-ce qu'on recouvre le plus, à part ce qui a très mal vieilli? Qu'est-ce qu'on recouvre le plus? Non, il n'y a plus trop de motifs récurrents. Tu vois, les dauphins, c'est bon, ils ont été canés depuis un moment. Moi, la semaine dernière, j'ai encore eu une demande pour recouvrir le prénom d'une ex. Ouais, ça, c'est... Ouais. Ça c'est vraiment intemporel. Ouais. Non, ils viennent plus avec des tatouages un peu foireux, c'est tout. Souvent, ce qu'on recouvre maintenant, c'est des tatouages faits par des personnes à la base qui sont allées chercher au moins cher, en disant non, vraiment, là, le prix ne me convient pas, etc., en s'adressant à des studios professionnels. Donc, ils sont allés voir un scratcher, quelqu'un qui fait ça chez lui, ou même certains qui ont des studios privés mais qui bossent comme des scratchers. Et bah en fait au bout de 6 mois ils se rendent compte que bah ils veulent pas vivre avec une bousille complètement éclatée. Et donc là ils s'adressent à des studios plus professionnels et ils acceptent de mettre le prix finalement pour réparer l'erreur commise. Ouais, bah voilà. Finalement, ouais, ils ont économisé quoi. Ça se fait exactement. Plus maintenant quand même. C'est maintenant, vu que tu as quand même accès plus facilement au matériel qu'avant, ouais. T'as un peu le truc de. À l'époque où moi je m'en suis fait plein, où t'sais, dans le milieu punk, on se scratchait, on faisait des tatous ouais. pourris, on s'en foutait qu'ils soient pourris. Quoi, vu, ouais. On faisait juste le tatou pour qu'ils soient tatoués. Mais maintenant, ça arrive énormément chez les plus jeunes. Où ils vont aller au plus simple en fait, ils s'achètent des machines entre eux et puis ils font des petits patchs, ils se bousillent et puis ils s'en foutent. Et en soi, moi je trouve ça, je m'en fous quoi de faire du tatou pirate, ils font bien ce qu'ils veulent de leur corps quoi, tu vois. Oui. Mais après, globalement, ça finit toujours par repasser sous nos aiguilles quoi. Ça, c'est ils ont souvent. Pas trop la mentalité punk qui va avec en fait. Non, ils sont radins, tu veux dire, c'est tout. On peut être punk et radin. Hein, souvent. C'est plus une question de survie qu'une question de choix. Ouais. Donc, il y a encore des gens. Alors, bon, maintenant, je comprends bien que les machines sont plus facilement trouvables. Est-ce qu'il y a encore des gens qui font du tatouage très à l'ancienne, les trois aiguilles avec un fil autour? Ouais. Bien sûr. Tu peux en parler. Il y en aura, au 15 ans, notamment ouais. Sibarite. D'accord, et ça c'est ce dont tu parlais tout à l'heure. Ouais. Voilà, de ceux dont je parlais tout à l'heure. Il y aura aussi Mathias Jean qui bosse énormément avec cette technique-là, en fait, qu'on appelle le handpoke. D'accord. Et Marlou de Gall qui fait la conférence, lui fait tous ses tatous également au handpoke. Ouais, il y a aussi des gens qui font ça vraiment je sais pas, les gens en Océanie, parce que j'avais vu une paire de fois des documentaires là-dessus où les gars, c'est une espèce de machin en bois. T'as plusieurs techniques selon les régions géographiques, t'as différentes techniques. Avec les outils traditionnels, etc., ça se fait encore. Et d'ailleurs, sur l'île, on est pas mal lotis par rapport à ça, parce qu'il y a pas mal de personnes qui viennent, notamment de Thaïlande, de Nouvelle-Zélande. Et il y a aussi des Japonais qui sont déjà passés sur l'île, qui utilisent les techniques traditionnelles, du coup, chacun de sa propre région. C'est vachement bien. Et il y en aura là, on pourra. Alors là, sur les 15 ans de la Freaky Family, donc on aura Mathias Jean et Sibarite qui tatouent en handpoke, mais du tatouage traditionnel de ces régions-là du globe, il n'y en aura pas. Moi, je peux te proposer dimanche matin l'épingle à nourrice, si tu veux. On peut le faire à l'ancienne. Du tatouage traditionnel punk. Ouais, je connais. Attends, antenne, je vais te montrer le mien. Pour les 20 ans, alors, du coup, ça serait peut-être des trucs bien. Enfin, moi, c'est le genre de choses qui m'intéresse vachement. Pas pour, forcément pour m'en faire, mais parce que c'est intéressant, quoi, en soi. C'est des techniques super intéressantes. En France, je sais qu'il y a un atelier traditionnel de japonais. Qui tatoue avec la technique Tebori, parce qu'il y a plusieurs techniques au Japon. C'est l'atelier Dono Eko, ça se situe en Normandie, de mémoire. Ok, c'est pas loin. Très très beau, ouais. Allez-y, on donnera l'adresse sur le podcast. On va encore passer de la musique, là. On cause beaucoup, quand même. On est bien, là. On va causer encore. T'avais des trucs à passer Ah, on passe pas CRS. Oui, mais si, il y avait CRS, bien sûr. Ouais, ouais. Parce que c'est vrai que j'avais soif. Donc CRS qui vont passer ce samedi soir à Garage, juste après False, puis Jody Faster et juste avant DJ Sloan. Voici CRS avec... Avec Naufrage. I'm casque est pourri et mon lacet est défait. Ce n'est pas du tout le texte de cette superbe reprise que vous venez d'entendre. C'est sur la démo, je sais pas si c'est une démo, enfin bon bref, c'est un CD gravé à la maison. Yeah. C'est un data safe. Wow. De Animal More, donc ils ont sorti ce titre qui s'appelle Bord de route avec une superbe... un super zine, hein, on va dire, c'est un fanzine. Très joli. Voilà, très joli. Toi, c'est, de, c'est quoi comme technique, ça? Comme d'impression? Bon, je ne sais, on dirait que c'est sérigraphié, mais non, je crois pas. Ouais, ça ressemble à de la sérigraphie, ouais. Mais j'osais pas. Très joli, en tout cas. Voilà. 7 titres, Ménagerie sans de la mine, Lanière, Cave de Lille, que j'ai passé la semaine dernière, Saint-Chômeur et Bord de route, et cette reprise que vous avez tous reconnue, vu que, non, enfin, au départ, c'était Take On Me, là, c'est Shenami, vu que quand même, il faut assurer qu'on est du quoi. c'est sorti, labellisé par Dirty Slap et Louis Pleur, encore des gens qu'on ne connaît pas, et donc, j'ai récupéré ça à la release party dimanche dernier au soir, c'était au Bel Ouvrage à Lille. Il doit y en encore en avoir qui traîne quelque part dans les distros, et puis donc vas-y entre et donc vous cherchez ça, c'est Animal More, ça s'appelle Bord de route, et puis ça ressemble à un zine en format A5, voilà, mais dedans il y a un CD, 7 titres plus un autocollant. Moi, je dis autocollant, je dis post-sticker. Exceptionnel. Voilà, exceptionnel, voilà. Je sais pas où je vais le mettre, mais bon, on trouvera. Ça, c'était la pub d'Animal More. Hein? On les trouve où? Chez Lucane, peut-être. Lucane, Distro. Ah. Bah, Dirty Slap, ouais, quand vous trouverez sa petite valoche quelque part au CCL, par exemple. Je pense qu'il y en aura peut-être encore un ou deux, si tout le monde ne s'est pas rué dessus et c'est prix libre. Comme d'hab, yeah. Il nous reste même pas 10 minutes à l'antenne de campus. On n'a plus qu'à répéter. Ouais. ça tombe bien, j'ai raté ma répète de marteau ce soir. Pour revenir. Waouh. Bon, c'était nul. Désolé, les gars. Eh ben, dis. Prochain concert de marteau, c'est quand? En Suisse. Ouais, Juice, c'est trop loin. En Suisse. Et à Reims aussi, mais c'est, je sais plus, vrai, bon. Début avril. Donc la prochaine fois qu'on peut te voir, c'est... Le 25 mai. 2028. On reviendra bientôt au CCL, certainement. Hein, voilà, la prochaine fois bah, qu'on peut te voir, ainsi que Émilie et que... Nino. au moment que tu le disais, ça me revenait, tac. Nino, la prochaine fois qu'on peut vous voir, c'est ce samedi et ce dimanche à Garage 34 Boulevard Carnot à Lille pour la convention du tatouage. L'anniversaire. L'anniversaire, le goûter d'anniversaire sur 2 jours. Exactement. De la Freaky Family. À partir de midi, samedi. Yeah. Et 11h le dimanche. Voilà. Et entrée gratuite. Entrée gratos. Il y a quand même un petit quelque chose à mettre si vous voulez vous faire tatouer par un des nombreuses tatoueurs, perceurs, qui seront là, On a le temps de dire les noms ou pas? Parce que là, il y a déjà 55. On peut dropper des noms comme ça. On aura Eli Amonde déjà. Monsieur Benjamin Cluck. Monsieur Cluck, on va mélanger aussi avec l'exposition, parce que tout à l'heure on a oublié de citer Quentin Utopia. Oui, c'est vrai. Pour l'exposition également, Jean-Luc Navette, Sylvain. Vous connaissez aussi. Ouais. C'est curieux. Ouais, en tatou, on aura Chaos Vision qui sera présent également. Jubes, on a dit. Oui. Sarah Poney Magique. Encre Rouge, Momo Freaky Family. Brian le tatoueur. On va vraiment tous les faire là. Rosie Pocket. Ouais. Il y aura du beau monde. Mon en tout cas, voilà, donc, et sinon, des ateliers céramique, peinture sur céramique, avec Cécile Charrois. Et des conférences. Rendez-vous donc Garage à partir de midi ce samedi. C'est ouais, ça. T'as vu. Et le soir, concert Jody Faster, False Jody Faster et CRS et DJ Sloan. Qui conclut. Voilà. Merci d'être venu puis d'avoir assuré avec une grande maestria cette émission. Merci pour l'accueil. Sans vous, on n'aurait rien eu à dire. Merci, la friki. nous, on se retrouve pour Pyongyang numéro 425 la semaine prochaine. Normalement, on devrait avoir Pierrock pour le 4e numéro de son zine. Encore un mec qu'on connaît pas, on sait pas d'où il sort. Voilà. D'ici là, vous écoutez les émissions de campus. Pour l'instant, en fond sonore, vous entendez le petit reggae de fin, c'est Mikey Dread. World War III. Là aussi, on ne sait pas pourquoi je parle de... Enfin, il parle de Troisième Guerre mondiale. C'est absolument pas dans l'actualité. On se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, on n'oublie que pas... Acab. Well, right now we are fighting and fighting and fighting, and still we don't know the reason. So let's be fair and serious and get this thing down straight. We are all brothers and sisters and should never live in hate. No more racial struggles, no more cultural war. 'Cause only a revolution can prove what we are fighting for. Each one has his own culture and differ from all others. But right here on this earth, my friend, we are all sisters and brothers. Some people fancy an Afro hair too. Others cream their hair. This, as far as society goes, seems normal, clean and fair. But when you grow your locks so long until it locks and looks so dread, they look you up from the soles of your feet and scorn the crown on your head. Everything has its time, everything has its season. But we're fighting and fighting and fighting and fighting, and still we don't know the reason. So let's be fair and serious and get this thing down straight. We are brothers and sisters and should not live in hate. World War I came and gone, World War II just before I was born. But today, all I can say, World War III is just a minute away.